c'est nous, gens d'ici, gens de cœur. Pays unique du nord de l'Amérique, grand peuple uni sous le fleur de l'Isée, nation qui fleurit et aspire au bonheur. Sous l'arc-en-ciel de l'amour, nous chantons liberté. Au fil des jours, nous gardons en mémoire notre histoire, notre fierté, notre victoire, c'est de parler français et de vivre ensemble en paix. Nous gardons vive souvenance de la France, sont partis par un vent d'espérance. Nos chers ancêtres qui en nous ont fait naître la soif d'un pays où règne l'abondance. Avec les peuples autochtones, nous avons fait alliance, avons appris à parler à l'esprit de la terre qui nous a fait vivre de la chair, des fruits de la nature et survivre à la froidure. Québec, c'est nous, gens de toutes les couleurs, gens venus de Grande-Bretagne et d'Irlande, gens venus d'ailleurs prendre ici demeure. Ensemble, échangeons nos savoirs, nos légendes. Allons tous à la rencontre de nos ressemblances. Accueillons nos différences, respectons nos croyances. Vivons heureux dans l'unité, notre diversité. Notre pays, l'héritage de nos mères et de nos pères, c'est le courage de nous tenir debout, ouvrir nos chemins, marcher jusqu'au bout. Grandir souverain, choisir notre destin. Lorsque se lève l'aurore, nous entendons encore résonner fort dans nos cœurs la voix de nos aïeux. Dans leur parlure, ils jasent entre eux de l'avenir des enfants. Des enfants de leurs enfants. Le Saint-Laurent nage dans notre sang, coule dans nos veines mille vagues d'espoir. Notre grand fleuve, berceau de notre histoire, abreuve notre foi dans nos droits et devoirs. Comme ces eaux nourricières se mêlent à l'océan, nous embrassons les humains venant d'autres horizons. Notre raison, notre passion, notre fraternité nous engage à partager. Québec, c'est nous, aussi grands que nos rêves. De nos racines monte joyeuse sève. Quand va éclore l'iris versicolore, la vie, alléluia, l'hirondelle gazouille. Nous baignons dans les beautés de notre immensité. Sous les aurores boréales, brave, brave l'orignal. Près des bouleaux, une merveille, les ailes au soleil. Le harpon des neiges s'envole. Notre puissance, c'est l'imagination. Faire en même temps l'utile et l'agréable. Bâtir un monde équitable et viable. Un monde prospère qui protège la nature. Notre culture a bon vent dans ses vastes voilures. Les lumières de nos esprits rayonnent autour de la terre, dans la vibrante symphonie de notre humanité. Nous chantons, je me souviens, nos belles jeunesses, voilà notre richesse. La fraîcheur de leurs rêves change le monde. Avec sagesse, les aînés leur répondent. Nous sommes ouverts, confiants et solidaires. Entre nos générations, allons, jetons des ponts. Entre les rives du fleuve, buvons à la même eau. Avec l'ancien et le nouveau, créons le beau.